Quand elle fut rentrée le soir dans sa chambre, Jeanne se sentit étrangement remuée et tellement attendrie que tout lui donnait envie de pleurer. Était-ce bien lui, l'époux promis par mille voies secrètes, qu'une providence, souverainement bonne, avait ainsi jeté sur sa route? Elle dormit bien peu cette nuit-là. Alors, de jour en jour, le troublant désir d'aimer l'envahit davantage. Elle se consultait sans cesse, consultait aussi les marguerites, les nuages, des pièces de monnaie jetées en l'air. Or, peu après, une barque du père Lastic fut baptisée Jeanne en grande pompe, et ce baptême, qui ressemblait à une noce, tint lieu de fiançailles. Le soir, en effet, Julien demanda à Jeanne : « Dites, voulez-vous être ma femme ?